Cher public, la sortie de secours est à votre gauche. Bienvenue à bord. Bienvenue, cher public, à une toute nouvelle édition de l'émission de la Fierté Gauche sur les ondes de C'est fou 89.1 en compagnie de David Ferron à la console. Salut! Et de moi-même, Sébastien Guertin. Aujourd'hui à l'émission, ben, premièrement, on n'a pas de Lucas. Il nous a abandonnés. Oh. C'est triste. Il va revenir la semaine prochaine. Mais sinon, en fait, on va quand même avoir du stock pour vous. On va parler entre autres de Thor Ragnarok, des réactions par rapport à la fusillade de Parkland et de la crypto-monnaie qui n'a pas rapport avec la fusillade de Parkland, mais qui est quand même très intéressant. Avant toute chose, par contre, comment s'est passée ta semaine, mon cher David? Disons que si on suit l'actualité, disons que ça a été assez occupé. On pense tout le temps que ça va être plus tranquille que l'autre, mais non, il y a toujours un petit lapin d'actualité qui arrive et qui fait « Pop, pop, je suis là pour combler ta semaine ». Bon, c'est un petit peu absurde, mais on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui sort du chapeau, comme le retour de Jean-Martin Aussa, par exemple. Ouais, c'est quand même drôle, hein? J'avais noté de quoi là-dessus, moi aussi, en fait. T'avais-tu de quoi dire sur Jean-Martin Hossin? Pas tout de suite, je vais peut-être alimenter parce que je te dirais que ce cas-là me laisse perplexe. Laisse perplexe? Oui. Ben écoute, ce que j'avais en fait, c'est que premièrement, on n'est pas dans notre, on n'est pas dans nos habitudes, puis j'avais oublié d'ouvrir mon truc de tour de table. Désolé, cher public. Bon, fait que ouais, ben c'est ça, hein, comme tu disais, Jean-Martin Hossin de retour au PQ. Chasser le naturel et revient au galop, hein? On a tendance à oublier, on reconnaît beaucoup Hossin comme étant le chef fondateur d'Option Nationale. C'était un frustré du PQ, il a fondé Option Nationale, il était frustré d'Option Nationale, il est parti à Londres travailler comme économiste, il est revenu au Québec, il a travaillé sur le chantier l'économie sociale. Ouais. Très intéressant comme travaux, en tout cas. Bon, c'est sûr qu'a priori, c'est quelqu'un qu'on serait content de voir revenir au PQ, mais c'est quand même un peu drôle comme moment. C'est probablement une des rares personnes, en fait, au PQ qui espère que la prochaine élection se passe mal. Ah ouais, pour pouvoir prendre le contrôle c'est du PQ. Ça. Ben, il n'y a pas PKP non plus qui aimerait ça. Ben oui, ben c'est ça que je dis. Une des personnes. OK. Probablement, Véronique Yvon me semble un peu trop pure et innocente pour avoir ce genre de pensée-là, mais sûrement qu'elle aussi, elle aimerait peut-être ça, en fait, que Lisa Saxon-Wauquiez. Ben, je te dirais que par expérience personnelle, les gens purs et innocents, c'est des gens qui ont des beaux gants de velours, mais à l'intérieur de la mitaine, surprise. Parce que c'est quand même une avocate de formation, fait que ça doit être quelqu'un qui est habitué d'avoir, je ne sais pas si elle a déjà plaidé dans sa vie ou quoi que ce soit, mais ça doit être quelqu'un qui est assez solide pour mener un dossier comme, par exemple... L'aide de l'assistance médicale à mourir, par exemple? Ben c'est sûr qu'effectivement, c'est une de ses marques de commerce, c'est de connaître ses dossiers puis d'aller jusqu'au bout. Là. C'est justement même elle s'occupait de ça avant d'être en politique. Là. Mais sinon, en fait, cette semaine, il y a eu d'autres choses qui sont passées. En fait, j'ai appris beaucoup de choses cette semaine. J'ai entre autres aussi appris que le Québec est donc mieux que le fédéral, selon la gang du PQ, justement, et pas mal moins ouvert que le fédéral, justement, par rapport à l'endettement étudiant. En fait, c'est que ce qu'on a appris cette semaine, entre autres, c'est que le fédéral va annuler 200 millions de prêts étudiants pour cause de faillite et autre chose, dans le fond. Là, en gros, les étudiants qui sont juste pas capables de repayer leurs prêts de... leur prêt étudiant. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que partout au Canada, sauf au Québec, au Nunavut et dans les territoires du Nord-Ouest, l'aide financière aux études, ben, c'est directement le fédéral qui a fourni. Notre programme qu'on a au Québec, l'AFE, il y a une partie qui est financée par le fédéral, mais c'est quand même le gouvernement du Québec qui le gère. Or, présentement, c'est ça, au Québec, si t'es prêt étudiant, c'est tu les rembourses. Tu fais faillite, tu n'as plus rien à ton nom, tu es à la rue, il faut quand même que tu rembourses tes prêts et bourses. Ben, tes prêts, en fait. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi. En fait, c'est des prêts non libérables au Québec. Au fédéral, comme tel, techniquement, c'est des prêts non libérables aussi, mais le fédéral, depuis 4 ans, a 3 fois fait des immenses libérations de prêts. Ce coup-ci, c'est 200 millions qui sont comme juste effacés. C'est 19 milliards, en fait, que le gouvernement a de prêter présentement à des étudiants. C'est beaucoup d'argent. Puis il faut se dire aussi que c'est 19 milliards que des étudiants doivent penser à remettre et donc ne peuvent pas injecter dans les... des anciens étudiants, en fait, ne peuvent pas injecter dans l'économie. Donc, ne peuvent pas s'acheter de maison, ne peuvent pas s'acheter d'auto, et ainsi de suite. Fait que c'est ça. C'est tout un sujet. Il y a plusieurs... Il y a des partis plus de gauche, des fois, vont même faire campagne sur le fait de ne plus faire de prêts étudiants ou carrément d'annuler ceux qui existent déjà complètement d'un coup. Bref, finalement, j'ai aussi appris qu'il faut rester à l'affût quand on entend une bonne nouvelle. Cette semaine, on a appris en fait que bon, les cours d'éducation sexuelle vont recommencer dans les écoles à partir du primaire, à partir de septembre. Là, quand je dis qu'il faut faire attention, parce que c'est une bonne nouvelle, je pense que ça, c'est assez démontré que c'est nécessaire d'avoir ça, surtout à l'époque où ce que, à une époque où ce que le porn est facilement accessible sur Internet. Faut que les jeunes aillent une éducation sexuelle avant de faire leurs propres expériences. Puis là, on ne parle pas de montrer du porn justement à des enfants de 6 ans, mais commencer à leur expliquer c'est quoi le consentement, c'est quoi, mettons, si le petit monsieur te touche là, c'est quoi qu'il faut que tu fasses, puis ainsi de suite. Par contre, ce qu'on apprend, quand je dis qu'il faut rester à l'affût, c'est qu'il n'y a pas de matériel de prêt pour les enseignants. Les enseignants eux-mêmes ne sont pas vraiment formés. Puis plus que ça, ils ne sont même pas sûrs qu'ils vont avoir du temps pour se préparer. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des charges de cours de données à partir de septembre là-dedans, mais quand est-ce qu'ils se préparent pour ça? Parce que ça nécessite, vu que le cours n'existe pas, ça nécessite beaucoup plus de préparation que leurs cours habituels, qui ont déjà du temps pour préparer, mais il n'y en aurait comme pas présentement. Donc, c'est tout ça qui est à surveiller. Je pense que ça résume assez la semaine pour ça. Là, on irait en chanson avec Galaxy et la toune phénoménale. Donc, c'était Galaxy avec Phénoménal. On a un petit politique fiction de préparer. Ça va être sur Thor Ragnarok et les réfugiés politiques. Vas-y, David, lâche pas. Donc, c'était ça, c'était un petit bout de la toune qui joue un peu tout le long du film, là. C'est Immigrant Song de Led Zeppelin. Pourquoi je parle de ça, en fait? Comme j'ai dit, c'est Thor Ragnarok, ça parle beaucoup des réfugiés politiques. Avant toute chose, par contre, spoilers ahead, évidemment, divulgateur droit devant. Thor Ragnarok, en fait, c'est le troisième épisode des films qui parlent du héros viking qui est en fait un super-héros dans l'univers de Marvel. Le dieu viking, en fait. Thor, c'est le dieu du tonnerre, ainsi de suite. C'est probablement un des films les plus déconnectés un peu du reste de l'univers cinématique de Marvel. C'est-à-dire que, comme je disais à David, en fait, avant l'émission, t'es pas vraiment obligé d'avoir vu les autres films de Marvel. Il y a peut-être juste, mettons, je suggère fortement d'avoir vu, le dernier Avengers, c'est-à-dire l'âge d'Ultron. Parce que en fait, un gros morceau du film, c'est la relation entre Thor et Hulk. Puis si t'as pas vu l'âge d'Ultron, tu sais pas vraiment ce que Hulk fout sur cette planète-là par rapport, mettons. Fait que ça donne un peu de contexte. Ils font des allusions au Thor précédent, qui est Thor Thor and the Dark World, qui est absolument mauvais. Donc, je recommande à la personne de l'écouter, surtout si vous voulez voir Thor Ragnarok. Ce qui est important de savoir qui se passe dans Dark World, il en parle tellement que t'as pas besoin de l'avoir vu pour comprendre ce qui arrive. Bref, ce qui se passe, c'est qu'au début du film, Odin, le père de Thor et de Loki, donc père biologique et père adoptif respectivement, de ces deux-là, décède. Par son décès, il libère Hel, qui est Ella, qui est, comme il l'appelle dans le film, qui est la première fille de Odin, qui est la déesse de la mort, en fait. Elle... Là, ça va être mêlant. Ella va complètement vaincre Thor et Loki sans se forcer et va prendre le dessus sur Asgard. Asgard qui est l'univers, mettons, plutôt la planète d'où ce que les fameux dieux vikings viennent, là, dans le fond. En gros, le Odin, c'était le... ce qui est le dieu, le chef des dieux dans la mythologie viking, bien dans l'univers de Marvel, Odin, c'est comme le roi de la planète Asgard, dans le fond. Asgard. Bref, je sais jamais comment le prononcer comme du monde, ça. C'est un peu mêlant. Donc, c'est ça. Fait que lors de la bataille, Thor et Loki se retrouvent sur une autre planète où ce que, bon, Loki réussit à manipuler le chef de la place, qui est le Game Master, le maître de jeu, dans le fond. Pour faire partie de sa cour rapprochée, mettons, et Thor se retrouve gladiateur. Donc, fait que, en gros, c'est une planète où tous les déchets de l'univers se retrouvent là. Et ben, d'une affaire à une autre, Thor va se ramasser des alliés sur cette planète-là, va éventuellement réussir à se pousser avec Loki et avec une nouvelle alliée qui est une Asgardienne, elle aussi, qui s'appelle Valkyrie. En fait, qui est une Valkyrie, mais qui vont appeler simplement Valkyrie parce que c'est la dernière de la gang qui reste. Et ils vont aller s'attaquer à elle pour finalement se rendre compte qu'ils ne peuvent pas vaincre elle. Ella, je vais mêler tout le long de la chronique, c'est sûr et certain. Et finalement, ils réalisent qu'en fait, leur seul moyen de se débarrasser de Ella, c'est de détruire Asgard, parce que tant qu'Asgard existe, ben Ella tire sa puissance de là. Tout ça pour en venir à ce que ben ils relâchent un espèce d'événement apocalyptique là, qui est en gros une espèce de géant de magma qui démolit Asgard et qui, par la même occasion, ben les débarrasse de Ella. Dans le fond, Ella, c'est comme une vampire géothermique. Non, ça c'est Surtur, le géant qui... Ella, c'est le contre. Ouais, vampire. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Elle prend son. Ouais, on pourrait dire ça de même. Ouais, c'est ça. Elle prend son. Tu sais, c'est. Dans le fond, tout ce qui touche aux Asgardiens dans l'univers du MCU, c'est que c'est de la technologie tellement avancée que ça a l'air à de la magie pour nous. Fait que c'est une genre de magie, mais que c'est peut-être comme. C'est jamais vraiment expliqué, en fait, parce qu'ils veulent qu'on ait l'impression que c'est de la magie, mais. C'est, mettons, dans l'univers, c'est considéré comme de la science quand même, mais qui est tellement... C'est pas comme de la magie comme ce que Doctor Strange fait, par exemple. Okay. D'ailleurs, qui a un petit rôle dans le film, pour les fans. Là. Donc, c'est ça. Bref, ça finit que Thor va embarquer tous les Asgardiens survivants sur un immense vaisseau spatial, va finalement accepter de monter sur le trône d'Asgard, ce qu'il avait refusé jusqu'à date, et va diriger les Asgardiens en exil, mettons, vers la Terre, en fait. C'est ça qui est son plan. Pourquoi je parle de ça? Ben, c'est qu'en fait, on pourrait dire que le film au complet est un peu une sorte de publicité, en fait, pour voyer les réfugiés, qu'est-ce qui se passe, comment ils en viennent à devenir des réfugiés, parce que c'est un peu là-dessus que le film finit. Les réfugiés, ben les Asgardiens deviennent des genres de réfugiés politiques, ou en fait, pire que ça, des réfugiés écologiques, parce que c'est littéralement la planète qui est détruite. Donc, un événement d'ailleurs que dans la mythologie scandinave, on appelle le Ragnarok, c'est-à-dire la fin du monde. D'où le titre du film d'ailleurs. Et c'est là que ben on va entendre la phrase qui est un peu probablement la catchphrase du film. Asgard n'est pas un endroit, Asgard est le peuple d'Asgard. Asgard est un peuple et non un endroit. Bref, il y a différentes déclinaisons. Je vais avouer d'ailleurs que moi j'ai écouté le film en anglais, donc Asgard is its people, not its place. Mais il y a un petit côté autochtone là-dedans. Un peu aussi. Ben oui et non en même temps. Ben c'est vrai que ça a tout le temps été ça. Dans toutes les BD de Marvel, il y a beaucoup de mélange culturel, en fait. Marvel font des gros efforts là-dessus. Bon, ça, on en a discuté abondamment dans les autres épisodes. C'est un sujet préféré de conversation à Lucas, d'ailleurs. Mais c'est ça, en fait. Ce qui est vraiment pertinent, c'est quand on compare la situation des réfugiés, des Asgardiens, dans le fond, à la fin du film, versus les réfugiés actuels qu'on constate dans le monde, les réfugiés, entre autres, de la Syrie, qui quittent là, pour éviter la guerre contre l'État islamique, des choses comme ça. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'en fait, la prochaine sorte de réfugiés qui vont être plus... qui vont devenir plus communs, ben, c'est des réfugiés écologiques, c'est-à-dire des gens qui sont des populations qui sont déplacées de leur endroit de vie par les résultats des changements climatiques, là, c'est-à-dire par exemple, présentement, en Afrique du Sud, il y a des immenses sécheresses comme on n'a jamais connu jusqu'à date dans ces régions-là. Il manque d'eau potable dans les grandes villes, ainsi de suite. C'est des choses qui vont amener à des réfugiés écologiques ou des réfugiés climatiques. Puis qu'est-ce que c'est des réfugiés politiques ou des réfugiés climatiques dans la vraie vie? Ben c'est que, en fait, c'est ça, c'est des gens qui sont déplacés, qui veulent continuer à vivre. Ils n'ont pas fait le choix de se déplacer. Ils n'ont juste pas eu le choix, en fait. Ils n'ont pas eu le choix de s'en aller. Ben voyons, c'est tous qui prennent le choix, voyons. Ben c'est ça, tu sais, écoute, ben je pourrais rester à me mettre entre l'État islamique et les Américains pour m'en faire tirer dessus comme faut, mais tu sais, c'est ça, c'est plus un choix rendu là, c'est ta survie. C'est ta survie ou ta torture ou peu importe. Ce qui est donc, c'est une question entre autres d'absence de choix, mais aussi c'est une question aussi de c'est qu'ils veulent continuer à vivre après. Puis comme c'est pas quelqu'un, puis là c'est là qu'il faut faire la nuance avec des immigrants au sens habituel, c'est que des immigrants, Puis là encore, c'est très discutable parce qu'on est-ce qu'un immigrant économique, mettons, un migrant économique, quelqu'un qui quitte son pays parce qu'il n'y a pas assez d'opportunités de vie dans son pays, qui quitte, mettons, pour s'en aller dans un pays plus développé où il va peut-être avoir plus d'opportunités de vivre sa vie comme il l'entend, est-ce que, bon, c'est quelqu'un qui avait le choix de quitter ou non? Ça, c'est tout un débat, mais mettons qu'on va le régler en disant, ben on va prendre a priori que oui, il y avait le choix. Les réfugiés, là, c'est beaucoup plus urgent de toute façon. Il y a comme un droit manné de continuer à vivre comme ils le veulent. Dans les bandes dessinées de Marvel, quand Asgard est détruit, ben les Asgardiens trouvent une autre planète qui est vide, la terraforme, et fondent le nouveau Asgard là-bas, dans le fond. Ce qui, bon, on sait pas trop ce que ça va donner dans le futur des films. On sait que le prochain gros film qui risque de traiter de la question, ça va être l'Infinity War, avec Thanos pis tout, là. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais là, Thor a dit qu'il voulait aller mener les Asgardiens sur Terre. Donc, est-ce qu'ils vont comme fonder une nouvelle patrie sur des terres inoccupées sur Terre? On sait que, bon, dans l'univers de Marvel, comme le Wakanda, ce qu'on va probablement parler probablement plus vers la fin de la saison, mais le film Black Panther se passe là, entre autres. L'univers de Marvel a toujours pris des grosses libertés avec la géographie réelle. Là. Dans le fond, il y a des pays non existants qui existent l'univers de Marvel. Bon, fait que ça va peut-être, ils vont peut-être faire quelque chose avec ça. On le sait pas trop. Mais c'est vraiment, ça montre un peu le dilemme de ces personnes-là. Ça montre que tu fais pas le choix de te déraciner dans ces cas-là. Puis le gros dilemme que ça ouvre, en fait, puis qui est un peu sur la réflexion sur laquelle j'aimerais terminer ça, c'est est-ce qu'on a le droit de les forcer à s'intégrer, ces gens-là? Est-ce qu'on devrait pas plutôt leur laisser un coin de terre qu'on n'utilise pas puis les laisser s'organiser? Les intégrer, c'est vraiment la bonne manière de fonctionner? Ou, tu sais, les forcer à s'intégrer de la même manière que d'autres immigrants, c'est-à-dire, ben s'attendre à ce qu'ils apprennent la langue, s'attendre à ce qu'ils se trouvent une job, s'attendre à ce qu'ils respectent les lois, puis ainsi de suite. Comme ils disent, justement, je reviens à cette citation-là, Asgard, c'est un peuple, c'est pas un endroit. Ben on pourrait dire ça des Syriens. La Syrie, ben les Syriens, c'est un peuple, c'est pas la Syrie. Donc, est-ce que ces gens-là ont un droit de vivre en tant que Syrien ou c'est juste trop compliqué, puis ben on va vous accommoder, mais essayez de vous intégrer le plus possible quand même. Puis il y a toute la question de la temporalité là-dedans. Il y a des situations où que les réfugiés, c'est une question temporaire, en fait, ce qu'on espère. Souvent, les cas temporaires finissent par devenir permanents, en fait, parce que ce qu'on apprend avec l'histoire actuelle, c'est que, ben en fait, ça se vérifie pas vraiment des fois parce que des gens deviennent vérifiés. Il y a une diaspora d'un peuple, mais quelques années après, tout le monde y retourne. Un bel exemple, c'est Haïti, entre autres, qui a une grosse diaspora. Il y a beaucoup de monde qui quitte Haïti pour aller vivre ailleurs, soit comme réfugiés, soit comme migrants économiques, tout dépendant à quel moment ils ont migré. Mais il n'y en a pas beaucoup qui retournent. Mais il y en a qui deviennent des auteurs japonais. Je la comprends pas. Ah, c'est une référence à un livre de Danny Laferrière. Ah, OK. J'avoue que là-dessus, j'ai vraiment pas de culture. Moi, je lis des BD, mais les livres de Denis Laferrière, là. Du moment que quelqu'un devient académicien, il est un petit peu trop intellectuel pour moi. Bon. Non, je fais des blagues. Mais c'est ça. Mais c'est très intellectuel la manière que tu amènes ça. En fait, le troisième tronc. Pas tronc, mais. Tard. Ouais, c'est pas le tronc. Je suis tellement tout, mélangé cinématographiquement. Ouais, c'est vraiment pas la même affaire, mais ouais. Ben, c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec les politiques fiction, c'est de montrer que c'est pas parce que c'est du divertissement que c'est complètement niaiseux des fois. Puis oui, il y a bien des films qu'on skip, mais c'est bien rare, en fait, des films qui n'ont aucun contenu politique ou philosophique, où il y a toujours un peu une idéologie derrière quelque chose. Puis c'est un bon réalisateur va être capable d'en passer un peu sans écœurer le monde. Puis je pense que c'est ce qui a été réussi avec le dernier Thor, en fait. C'est particulièrement impressionnant comment est-ce qu'il est, de toute façon, de loin meilleur aux autres films qui mettent Thor en vedette. Puis je dis ça en étant moi-même un fan du personnage, mais Thor tout court puis Thor Dark World, c'est probablement les deux pires films de l'univers de Marvel au grand écran. Donc le troisième, c'est un beau rattrapage. C'est un très, très beau rattrapage, puis ça me rend presque triste que le contrat de Chris Hemsworth finisse bientôt, parce que il me semble qu'on aurait pris d'autres de comme ça. Bref, assez parlé de bande dessinée, de super-héros avec les cheveux longs blonds. sur une touche un peu plus humoristique, mais non en même temps. En fait, je ramène une tradition de nos premières saisons à moi et Lucas. Étant donné que, ben, en fait, David, vu que tu remplaces Lucas au pied levé, j'ai essayé de le plus préparer d'affaires par moi-même possible, ce qui fait que ben, je n'ai le double à faire de d'habitude. Mais j'ai décidé, ça faisait un peu de temps qu'on avait pas fait ça, un top 3,5. Cette fois-ci, c'est le top 3,5 des pires déclarations après une fusillade dans une école secondaire. Ah oui, c'est truculent, ça. C'est le fun, ça. Oui. Donc, mais pas les fusillades, mais non, non, c'est ça, mais les top 3,5, c'est ça. Bien fan de ça. Donc, top 3,5 des pires déclarations après une fusillade dans une école secondaire. Le numéro 3, c'est encore trop récent pour politiser la question, voire entre autres la NRA, National Rifle Association, qui, bon, eux autres, à toutes les fois que... qu'on parle d'armes à feu dans les médias, ben, ils sont tout le temps les premiers à dire « Ah oui, mais il faut plus d'armes, Second Amendment right, ainsi de suite. » Mais ah, ben là, ça serait vraiment, en fait, la seule affaire qu'on a reproché, c'est que ben, vraiment, il aurait fallu que ce dude-là ne puisse pas se procurer une arme à feu. « Ah non, non, c'est trop tôt pour en parler, c'est trop émotif. Arrêtons d'en parler. » Mais pas assez d'ailleurs, tôt pour dire qu'il faut armer les gens. Ah, c'est ça. Mais ça, ils ne l'ont pas encore dit. Ah. D'ailleurs, ne prenons pas. D'ailleurs, c'est en fait, c'est le numéro 2. Numéro 2. La solution, c'est pas moins de guns, c'est plus de guns. Ça, c'est notre grand Trumpster en chef, c'est-à-dire le despote non éclairé du Trumpistan qui a à peu près dit ça. Il disait qu'en gros, bon, il y a quand même, à son crédit, il faut quand même spécifier que Trump a quand même parlé d'amener une loi au Congrès qui bannirait une... Parce qu'en fait, le fusil qui a été utilisé, c'est un AR-15. Bon, ça ne nous dit pas grand-chose à nous, mais en fait, un AR-15, ça ne se qualifie pas tout à fait comme un fusil d'assaut. J'ai dû faire des recherches là-dessus. C'est un fusil semi-automatique. C'est-à-dire que tu ne peux pas... dans le fond, tu n'as pas besoin de recharger. Il y a un magasin il y a un magasin détachable, ce qui fait qu'on peut mettre beaucoup de balles dans le chargeur et changer de chargeur très vite. On n'a pas à crinquer le fusil à toutes les fois, mais c'est pas un fusil qu'on peut juste tenir la gâchette et que ça ne va pas arrêter de tirer. D'où la nuance. Par contre, dans le fond, c'est un fusil, c'est un peu comme un fusil automatique, mais qui a une cadence de tir moins élevée parce qu'il faut lâcher et réappuyer sa gâchette à toutes les fois. Or, une chose qui apparemment aurait été utilisée par le fameux tireur fou, c'est, je me rappelle plus du tout du nom de la chose, mais c'est un truc, c'est une espèce d'attachement qui a un petit mécanisme qu'on rajoute après ça, qui va utiliser le recul, dans le fond, l'espèce de mouvement inverse de la balle qui est lancée, pour reclencher le mécanisme en dedans, ce qui accélère de beaucoup la cadence de tir de l'arme, ce qui fait que ben, ça le transforme en arme complètement automatique, en fait. Donc, ça devient un peu comme un genre de fusil d'assaut. La seule raison, en fait, pourquoi ça ne peut pas être considéré réellement comme un fusil d'assaut, c'est qu'un fusil d'assaut a déjà tous ces mécanismes-là et on peut choisir entre plusieurs modes de tir. C'est la seule différence. L'idée, c'est qu'un fusil d'assaut doit être plus versatile. En fait, il peut autant servir à faire des tirs de précision à une balle qu'à démolir de quoi avec un chargeur, en vidant le chargeur sur un mur ou de quoi, ou dans quelqu'un, comme ça a été fait. Donc, ça pour dire que je donne un peu de mérite à Trump là-dessus, mais ça reste qu'il a dit que la vraie grosse solution, ben, c'est de donner des armes à feu aux professeurs, en fait, aux employés des écoles, donc entre autres aux professeurs. Ah! Mais ça, est-ce que je sais pas, j'ai le temps de raconter une petite anecdote. Ben lâche-toi là, c'est mon David. Mais il y a un gars dans les, en fait, qui est dans la section marine des forces canadiennes et qui a expliqué que lui et ses collègues parlaient comme quoi, par rapport aux armes, il a dit que ce serait bien drôle que Trump dise que le meilleur moyen d'aider ou de régler le problème, ce serait d'armer les étudiants. Et là, ça arrive et là, il fait comme trois petits points. Ouais. Donc. Mais c'était pas encore les étudiants, on est encore au stade où c'était les enseignants. Il y a quand même un peu une espèce d'accord tacite de « ouais, ok, ils sont comme juste trop jeunes pour avoir des armes à feu en leur possession », quoique, on se rappelle, ça s'est passé en Floride, d'ailleurs, une chose très très drôle, puis là, juste pour rappeler, là, on digresse pas mal, mais parce que j'ai pas vraiment de chronique sur le Trumpistan aujourd'hui, autre que ce petit top 3,5 là, mais c'est un top 3,5 des pires déclarations après une fusillade. Mais c'est ça, ben en fait, tu sais, Trumpistan style, il y a des lois qui ont été proposées en Floride, où ce que la tuerie a eu lieu, pour mieux encadrer, en fait, la vente d'armes à feu, particulièrement d'armes à feu semi-automatiques et automatiques. Ces affaires-là, il a été voté en fait de ne même pas les considérer, donc de même pas avoir de débat dessus, de juste on flush ça, c'est pas important. Mais par contre, dans la même session, pas parlementaire, là, c'est le congrès en fait de la Floride, mais dans la même journée, tout de suite après, dans l'ordre du jour, il y avait un débat sur doit-on considérer la pornographie comme un danger de santé publique. Et suite à la discussion, il a été voté que oui. Donc, c'était très, très drôle. C'était un peu comme dire, ben OK, les armes à feu, on s'en sac, mais oh là, le monde qui se touche en regardant des photos de femmes tout nues, hey, ça, c'est dangereux. Bref, c'est un petit peu grotesque comme situation. Ce qui m'amène à parler de mon grand champion des pires déclarations après une fusillade, c'est-à-dire, quelle est cette déclaration-là? Ben c'est, citation, c'est pas un problème de loi concernant les armes, c'est un problème de santé mentale. Entre parenthèses, fin de la citation, mais entre parenthèses, vu qu'on peut pas mettre ça sur la faute des immigrants et ou des gens de couleur. Voire, entre autres, les commentateurs de droite. Il y en a beaucoup que ça a été ça qui ont dit. Depuis quand que les problèmes de santé mentaux, ça les intéresse? Ben, on va se le dire. Même là, ça a été en fait mon sujet de discussion à Assemblage requis hier matin dans ma chronique, mais c'est qu'en fait, il faut faire attention avec, de toute façon, l'attaque de santé mentale, parce que c'est pas vrai que quelqu'un en dépression va arriver avec un fusil automatique puis descendre du monde pour le fun. C'est pas n'importe quel problème de santé mentale qui fait ça. En fait, c'est beaucoup plus peut-être des problèmes de personnalité, des choses comme ça, de la complète déconnexion de la réalité, mais il ne faut pas mettre la santé mentale avec un grand S et un grand M comme raison de ce genre de passage à l'acte-là. C'est un peu comme dire « Ah, c'était pas de ma faute, je voulais pas le faire parce que... c'est pas de ma faute parce que j'étais sous. » C'est pas de même que ça marche, tu sais. Ça peut peut-être pousser à un passage à l'acte, mais tu voulais le faire pareil avant, tu sais. C'est un peu la même chose. Ça nous amène d'ailleurs, parce que là, je disais, ben, c'est ce que les commentateurs de droite, mais en fait, c'est les commentateurs de droite qui ont décidé de rester soft, parce que oui, c'est rendu soft de dire ça. On dit, mais ma mention spéciale est en fait à la nouvelle mode de beaucoup de commentateurs de droite, en fait, de tenter de faire du témoin shaming, si on peut dire, c'est-à-dire de dire que les témoins sont en fait des acteurs professionnels engagés par le, là on va mettre des gros guillemets, lobby anti-armes. Ouais, la théorie. Ce lobby-là n'existe pas, premièrement. Il y en a beaucoup qui souhaitent, il y a Alex Jones d'ailleurs, qui est un notoire de cette gang-là, Monsieur InfoWars. Si on veut parler contre Radio X 2 secondes au Québec, quand vous regardez Alex Jones, vous vous rendez compte que c'est pas si pire que ça ce qu'on a au Québec. Mais c'est ça qu'il y aurait apparemment un lobby anti-armes qui paye des jeunes pour se faire passer pour des étudiants, des témoins du drame, qui vont parler devant les caméras, puis qu'en fait, c'est ça, c'est pour lobbyer contre les armes, contre le droit des gens de porter une arme à feu ou de posséder une arme à feu. Bref, c'était le top 3,5 des pires déclarations après une fusillade. Puis je pense qu'on est pas mal dû pour aller en pause, mon David. Bon, ben, à tantôt. Rebonjour, cher public. Vous êtes toujours à l'écoute de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission sur les ondes de C'est vous 89.1 où l'on vous parlait juste avant la pause de réfugiés, de héros blonds avec des gros marteaux et de réactions suite à une fusillade. Comme on est aussi une émission de service, j'ai pensé démystifier 3-4 choses par rapport à la crypto-monnaie. Fait que c'est parti pour une chronique fiscale, kind of. Lâche pas, David. Ok, il est sur sleep. Bon, ben garde tout bad. Non, on avait le bumper de... Okay. Surprise! Donc, c'était notre bumper. Ben c'est ça, hein? on y en veut pas, David. Il est déjà bien smart d'avoir remplacé Lucas au pied levé comme salut. Ça. Salut! C'est ça, hein? C'est pas toutes nos émissions qui fonctionnent pareil. Fait que, c'est ça. Comme on disait avant l'émission, toi, tu trouvais ça un petit peu difficile d'avoir déjà 2 micros à gérer. C'est le double de ce que tu as géré dans ton émission. Là. Fait que, bref. Un rien dire... m'épuise. Non. Des choses qui arrivent. Hein? Tu sais, on est des gars de science humaine. Faut pas trop nous en demander non plus. Bon, chronique fiscale, kind of, sur la monnaie de l'avenir, le Bitcoin. Est-ce vraiment la monnaie de l'avenir? Je ne sais pas. Dans les dernières semaines, en fait, on vous parlait de téléversement de la conscience, c'est-à-dire d'envoyer la conscience d'une personne dans un ordinateur, donc de virtualiser l'être humain. Une autre technologie du futur qui fait beaucoup parler, c'est la monnaie purement virtuelle, c'est-à-dire le Bitcoin, Ethereum et compagnie. Bon, à la surface, on prend ça de prime abord, prima facie, comme on dit en philo, on a l'impression que ben, ça serait juste logique que ça remplace les monnaies physiques, en fait. T'sais, les monnaies habituelles comme le dollar canadien, le dollar américain, l'euro, ainsi de suite. Des monnaies qui sont en fait basées sur une monnaie physique, une monnaie papier ou métallique qui existe. En effet, bon, qui garde encore du cash sur lui, on va se le dire, à part les étudiants de l'université pour payer la chasse, puis même là, à cette heure, même là, on peut prendre la carte. Les échanges boursiers, ça se fait électroniquement. Tu sais, notre avoir, je ne sais pas pour toi, David, mais moi, ce que je considère comme mes biens personnels, mon avoir, ben c'est un chiffre sur mon ordi que je vois quand je me connecte sur le site de mon institution financière ou sur un guichet automatique ou peu importe. Par contre, il y a une affaire, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que le problème avec ça, c'est la valeur, en fait, de cette monnaie-là. C'est que c'est une représentation. On voit, mettons, une donnée qui nous dit combien qu'on possède, mais c'est que cet argent-là existe quand même en quelque part. Les monnaies traditionnelles, bien, ils ont des réserves physiques. Il y a l'or, entre autres, il y a des réserves de différentes. Bien, dans le fond, comme les entreprises vont posséder des monnaies de plusieurs pays pour pouvoir acheter dans ces pays-là. Un bel exemple, en fait, la monnaie d'échange internationale, bien, c'est le dollar américain encore probablement pour quelques années, même s'il y a d'autres monnaies qui s'en viennent plus utilisées pour les échanges, entre autres la monnaie chinoise, parce que de plus en plus, c'est en Chine qu'on achète. Donc, c'est ça. Fait que la valeur réside là-dedans. Or, dans les monnaies virtuelles, il n'existe pas encore de cette... Il n'y a pas d'existence physique de ça. C'est là que le Bitcoin mining devient important. C'est ce qui permet, entre autres, de sécuriser ces transactions-là parce qu'ils ne se passent pas. C'est, les transactions qu'on fait électroniquement, il n'y a pas d'échange qui se fait réellement. Tu sais, mettons, quand on fait une transaction électronique, comme je disais, avec une monnaie traditionnelle, il y a quand même un échange physique qui se fait en quelque part. En quelque part, il y a de l'argent qui change de coffre. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de suivre, entre autres, de sécuriser ces échanges-là. Dans le Bitcoin, tout est purement virtuel. Donc, dans le Bitcoin ou dans n'importe quelle grande monnaie numérique. Puis c'est un peu pour ça qu'on va dire que c'est des crypto-monnaies. C'est qu'en fait, il y a du cryptage puis des niveaux de cryptage qui se font à ça. Puis c'est là que le mining embarque, en fait. C'est la manière qu'on a de sécuriser les transactions. Je vais en parler rapidement. C'est un sujet quand même assez complexe que je suis moi-même modérément à l'aise d'expliquer tout le détail parce que c'est très technique aussi. Mais en gros, comment est-ce qu'on pourrait définir ça? Bien, c'est un processus technique qui utilise la puissance de travail de plusieurs ordinateurs afin de créer ce qu'on appelle les blockchains. Dans le fond, c'est comme, en gros, c'est un processus de vérification et de sous-vérification. C'est que, dans le fond, les ordinateurs travaillent, dans le fond, vérifient les données qui sont reliées aux transactions, vont créer des paquets de données avec ça et vont l'envoyer dans le réseau. Et un autre ordinateur dans le réseau va prendre ça et encore le vérifier et ainsi de suite. Ce qui fait que ça fait comme une très, très, très, très longue chaîne, infiniment plus longue que, mettons, une chaîne de transactions traditionnelles, qui sont juste des transactions de vérification, en fait. Mais ça, est-ce que ça fonctionne juste via le dark web? Non, parce ça fonctionne pas du tout via le dark web, okay, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est comme procédé pour faire le dark web, justement. Bien, en fait, ça? Toute forme d'Internet à base, on peut pas dire qu'Internet réside en quelque part. Internet est dans tous les ordis qui sont connectés à Internet. Internet, c'est juste la somme de tous les liens entre tous les ordis de la planète. C'est ça qu'il faut comprendre. Même chose pour le dark web. Le dark web, c'est une portion de l'Internet, en fait. C'est un peu le même principe. Là, ce qui arrive, par contre, c'est que l'Internet, c'est un peu comme des données qu'on va travailler. Le Bitcoin mining, ben, c'est le travail, c'est vraiment le travail lui-même qui est important, puis juste le fait de noter tout le log de tous ces travails-là. J'essaye de le rendre plus clair pour monsieur, madame, tout le monde, mais comme je l'ai dit moi-même, la théorie derrière ça, j'ai lu sur le sujet, puis j'arrive pas à tout à fait comprendre le principe fondamental. C'est très, très technique, en fait. C'est beaucoup du vocabulaire de programmation. Fait on va en rester là, mais ça pour dire que le Bitcoin mining, en fait, c'est un morceau important de tout ce qui touche aux monnaies virtuelles. Une des raisons, c'est que les miners, les mineurs, dans le fond, les gens qui font ça, parce que ça, présentement, c'est sur une base open source, c'est-à-dire n'importe qui peut s'improviser Bitcoin miner. Où peuvent-ils réellement? C'est là où je vais y aller un peu. Mais c'est qu'en fait, ben, pour encourager les gens à faire du mining, ils reçoivent pour chaque quantité de données qui est créée, dans le fond, ben, ils reçoivent de la rémunération en Bitcoin pour leur travail. Donc, en gros, il y a moyen de rentabiliser ça. Puis c'est là que ça devient problématique. Puis c'est là qu'en fait, on n'est pas sûr que ça va vraiment remplacer les monnaies physiques. Voici pourquoi. C'est que le problème avec le mining, en fait, c'est que, bon, il fut un temps, ça fait déjà pas loin d'une dizaine d'années que ça existe, le Bitcoin. Il fut un temps, un gamer qui avait un ordi assez performant pouvait, pendant qu'il n'est pas en train de se servir de son ordi, installer un logiciel de mining dessus, le faire marcher un peu, puis, ben, ça donnait assez de Bitcoin dans ce temps-là pour dire que, bon, ben, regarde, ça t'a fait un petit revenu sur le site. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis ce temps-là, bon, d'un, le Bitcoin a pris énormément de valeur, mais en fait, c'est que plus ça avance, plus il y a de blockchain de créer, plus c'est difficile de créer des Bitcoins. Ce que ça veut dire, c'est que la même force de traitement te donne une fraction de la valeur de Bitcoin que ça te donnait il y a quelques années. Puis plus le Bitcoin augmente en valeur, plus il y a des gens qui en font, et plus il y a des gens qui en font, moins ça n'en donne, en fait. Parce que c'est toujours, c'est un peu... Là encore, c'est un peu plus complexe la façon de fonctionner, mais faut, mettons, une métaphore imparfaite, mais qui donne un peu l'idée de comment ça fonctionne. C'est comme s'il y avait toujours la même enveloppe de Bitcoin à donner pour les gens qui minent. C'est juste qu'à cette heure, il y a 1 milliard de plus d'ordinateurs en train de miner que dans le temps que c'était payant. Que c'était payant facilement là, pour quelqu'un qui avait un ordi de juste le mettre là-dessus. Fait que ce que ça donne comme résultat, c'est qu'il y a à cette heure, faire du mining pour être rentable, ben c'est des dizaines de milliers de dollars qu'il faut investir pour pouvoir faire un peu d'argent avec ça, pour être capable de rentrer dans cet argent-là. Il n'y a plus moyen de faire du Bitcoin mining juste un petit peu casual. Ça devient une espèce de monnaie pour une certaine élite qui est à l'aise. Non, parce que tu n'es vraiment pas obligé de faire du mining pour acheter du Bitcoin. En fait, présentement, c'est vendu comme un produit financier comme un autre. C'est-à-dire que, ben présentement, ce qui fait monter la valeur du Bitcoin, c'est purement la spéculation financière. Donc, c'est comme la bourse, donc ça pourrait être. C'est exactement comme jouer à la bourse. Ouais. Donc, tu pourrais être millionnaire de Bitcoin et après ben, ça être un tout nu. C'est un peu ce qui arrive, c'est que le Bitcoin, depuis qu'il y a... Si on fait une très grande courbe, tu sais, très, très dézoomée, mettons, du Bitcoin, depuis qu'il existe, il est tout le temps un peu à la hausse. Par contre, il y a des grosses chutes et des grosses hausses. C'est juste que la tendance générale est toujours un peu à la hausse. Mais il peut y avoir des très grandes périodes que le Bitcoin diminue complètement. Puis ça, ben, c'est un peu comme tout. C'est parler à n'importe quel expert en planification financière. Le temps d'acheter quelque chose, c'est pas quand ça monte. Quand ça monte, c'est plus le temps d'acheter, c'est le temps de vendre. C'est quand c'est à la baisse, en fait, qu'il faut acheter. Il faut que tu achètes au plus bas pour vendre au plus haut. C'est ça, la logique. Parce que c'est cyclique. Mais les gens sont crotons, puis ils achètent quand ça monte, parce qu'ils vont faire de l'argent avec ça, ils vont faire de l'argent avec ça. Mais c'est là que c'est pas le temps. Donc, puis c'est encore plus vrai parce que le Bitcoin, ça attire un paquet de monde qui, normalement, s'intéresse pas vraiment à la spéculation boursière. Puis, donc, ils ont pas les connaissances requises pour vraiment faire des bons choix là-dedans. Ça donne un petit relent du crash boursier de 1929, ouais. On dirait. Il y a des C'est un peu comme, mettons, du point de vue de quelqu'un qui connaît un peu les finances, puis je me rends pas là-dedans non plus, mais j'ai parlé avec bien du monde qui connaissent un peu plus les finances, puis... J'ai eu des discussions là-dessus avec des économistes, entre autres, qui disaient que, tu sais... En quelque part, si on résume un peu, c'est un peu... Tu sais, investir dans le Bitcoin, c'est un peu comme jouer au poker avec du monde qui ne savent pas jouer au poker. Tu ne peux pas te baser ces indicateurs habituels parce que le monde ne réagisse pas comme avec la spéculation habituelle. Mais est-ce qu'à ce moment-là, les gens qui sont très futés, mais un peu malhonnêtes pourraient en profiter, justement? Bien, c'est un peu une chose qui arrive parce que tout un commerce des conseillers en investissement crypto-monnaie... qui est en gros je veux dire, il y a probablement 100 charlatans par chaque conseiller honnête, là, parce que le monde se garoche là-dessus, puis tu fais rien que te dire spécialiste du Bitcoin, puis le monde te demande de. Le monde te garoche de l'argent pour leur expliquer comment ça marche, parce que, comme je l'ai dit, le commun des mortels n'a même pas les connaissances requises pour comprendre comment ça marche exactement, le système de tout ça. Puis ça inclut aussi justement une bonne partie de ces charlatans-là qui sont des fois des. Comment on pourrait dire ça, des gens de charlatans non involontaires, là, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, mais ils pensent qu'ils comprennent. Ah, c'est attendrissant quasiment. Oui, c'est ça. Mais en fait, puis comme je disais, juste pour revenir un peu plus sur le sujet, semaine dernière, le temps file. Moi qui pensais avoir trop de manquer de stock. Hein? Mais t'as beaucoup de matière, t'es trop intéressant. Hey, écoute, hey. Ouais, je vais t'engager pour me flatter dans le sens du poil. Le... Je pourrais te donner un cours de Bitcoin. Moi, ouais. Je fais une formation de savoir comment faire un Bitcoin, puis moi, je te dis, c'est bon, le Bitcoin, puis après ça, je m'enrichis. Ouais, c'est ça. Ben non, c'est pas vrai, je te fourderai jamais, voyons. Mais de façon, je pense que t'es pas capable de frauder quelqu'un, toi, tu serais pas capable de... Anyway, hey, on prendra une bière après. OK. Ce que je voulais dire, c'est que t'étais trop honnête. Mais bon, c'est ça, comme je disais, ça coûte une fortune en investissement. C'est en gros, c'est des immenses locaux remplis d'ordinateurs qui sont même pas construits dans une tour d'ordi. Là. C'est vraiment une carte mère vissée dans sur des plywood avec 40 cartes graphiques branchées dedans. Là. Parce que c'est les cartes graphiques qui font le mining, en fait. Ce qui fait d'ailleurs que tout le monde qui essaie de se monter un ordinateur dernièrement, les cartes graphiques font une fortune et sont impossibles à acheter. En tout cas, ça, c'est une parenthèse. Puis pour donner là encore une idée de grandeur, ben en fait, je vais venir à pourquoi est-ce que je disais. En fait, je suis venu en parler parce que le Québec, en fait, est une terre d'accueil de choix pour ça. Les compagnies, parce qu'à ce temps, c'est rendu des industries, en fait, le mining de Bitcoin, sont intéressés à venir s'installer au Québec pour deux raisons. De un, parce que les deux gros ennemis, en fait, une fois que tu as acheté ton matériel, tu as deux ennemis. La chaleur produite par tes machines, parce qu'un ordi, ça l'a chaud quand ça travaille, et le fait que, ben là encore, ça tire du courant pour fonctionner. Donc, les industries de Bitcoin mining viennent s'intéresser, ou ils s'intéressent au Québec, parce que de un, on est à peu près la place dans le monde où l'électricité coûte le moins cher, et en plus, la moins polluante, mais ça, c'est une autre histoire. Et en plus, notre climat est assez frisquet. Pour l'instant, mais quand même. En fait, ce qui est drôle, les changements climatiques, ils disaient qu'apparemment, nous autres, ça refroidirait plus que réchauffer, mais en tout cas. Bref, ça reste que c'est assez frisqué au Québec. Et au moins, pendant, mettons, 8 mois par année, qu'il n'y aurait pas besoin de réfrigérer les entrepôts, ce qui est des grosses économies pour ces compagnies-là. Donc, il y a beaucoup de demandes au Québec présentement. Le problème, pour donner une idée de grandeur, un gros projet, là, mettons dans la grosse moyenne, ça tire 100 mégawatts. Là, je n'ai pas été capable de trouver si c'était à la seconde, à la minute, ou en tout cas, c'est 100 mégawatts le projet. Je pense que c'est annuellement, en fait, mais je ne suis pas certain. Ce que j'ai plutôt accroché, en fait, plutôt que sur le chiffre, c'est sur l'ordre de grandeur qu'on donne à ça, c'est 20 fois la consommation électrique du Centre Bell au complet. Le Centre Bell, tu sais... Pensez au nombre de lumières qu'il y a là-dedans, les cuisines, tout le kit. On peut se consoler en disant qu'à partir du mois d'avril, mai, ça va tourner au ralenti. Ouais, mais quand même. Mais c'est pour donner une idée de grandeur. C'est une craque pour que les Canadiens feront pas les séries. Ouais, bon point. ce qu'il faut retenir, c'est pourquoi on parle de ça, c'est qu'Hydro-Québec sont comme, ben, je pense qu'on est obligé de leur, on est quand même obligé de monter les tarifs parce que l'affaire, c'est que si Hydro-Québec accepte toutes les demandes qu'ils ont présentement, Hydro-Québec va passer d'une situation où ils ont des surplus qu'ils peuvent vendre, des surplus d'électricité, à être en déficit d'électricité et devoir être obligé d'en acheter ailleurs ou de construire encore. C'est si énergivore que ça. OK. Fait que là, Hydro-Québec, ils veulent évaluer ça, ils veulent regarder. Ben c'est sûr qu'il y a une mine d'or, il y a de l'argent à faire là, c'est certain. De l'argent à faire pour le peuple québécois d'ailleurs, c'est sûr. Mais bon. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Puis c'est un peu ça où ce que je vais en venir, c'est que c'est ce qu'on se rend compte. Puis là, on n'est pas encore à une époque où le Bitcoin, c'est encore un phénomène relativement marginal. Puis on est déjà rendu là en termes de l'infrastructure que ça nécessite pour ça. Imaginons à cette heure, dans un futur possible, pas si loin, que toute la monnaie est rendue du Bitcoin. Là, on multiplie par une infinité, j'ai même pas une idée de chiffre, mais dites-vous que c'est une ordre de grandeur assez immense, la demande de ça. Assez pour dire que peut-être, là, que je m'avance, là, OK? Mais je me demande si ça serait pas de quoi dire que, ben toute la consommation d'électricité présente de l'Occident, ben faudrait la dédoubler juste pour le Bitcoin. Est-ce qu'on est vraiment capable d'amortir ça? Je pense qu'on va être obligé de rester avec de la monnaie plus traditionnelle. Ceci étant dit, je pense qu'on a assez parlé pour aujourd'hui, hein? Déjà. Fait que c'est déjà tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on va être en rediffusion samedi à 11h et sur notre page Facebook en balado dès qu'on peut. Soit dit en passant, on, excluant la personne qui parle et l'autre personne qui parle, c'est-à-dire Lucas, s'excuse de ne pas avoir encore téléversé la semaine dernière. C'est en chemin, par contre. Après la pause, vous pouvez toujours rester à l'écoute. Denis Baudin et compagnie vous proposent du blues dans tous les genres, à très blues assez fou. Et vous pourrez toujours nous revenir la semaine prochaine pour toute nouvelle édition de La sortie de secours est à votre gauche, l'émission de service social sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Bonne fin de journée!